Qu'est-ce qu'on mange, papa ? De la viande et des légumes, ou du poisson avec du riz et des légumes. Vous choisissez. De la viande ! D'accord, je prépare de la viande. Vous ne finissez pas, les enfants ? Non, je voudrais un dessert. Alors tu finis ton assiette, sinon pas de dessert. D'accord, papa. Voilà. Alors, quel dessert tu choisis, Mimi ? Un yaourt ou un fruit ? Un fruit. Et toi, Léo ? On a de la glace ? Non, on n'a pas de glace. Je voudrais un yaourt et de l'eau aussi, s'il te plaît, papa.